Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous. Que veulent ces marginaux? Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. Ouais. L'émission. Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien et je suis très heureux de vous retrouver. Si vous nous suivez depuis l'année dernière, vous allez voir que la formule a été un peu peaufinée pour laisser encore plus de temps à nos invités pour présenter leurs projets et tenter de répondre aux questions qui font le monde de demain. Cette année, Ça commence par nous devient Ça commence par moi, l'émission, et adopte un format de 30 minutes pendant lesquelles nous recevrons un seul invité. Une émission plus courte donc, mais qui nous permettra de creuser un même sujet plus en profondeur. Ce qui ne change pas par contre, c'est que Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne avec des invités inspirants, des solutions concrètes et des réponses directement applicables dans notre quotidien. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et rage.fr. Avant de vous présenter mon invité, j'en profite pour faire un énorme bisou à Hélène Dédény ainsi qu'à Anne-Sophie et Mélanie Douanart qui ne font pas partie de l'aventure pour cette nouvelle formule mais qui continuent, elles, à changer le monde avec plein de projets fabuleux. Je vous aime les filles. Et pour lancer cette saison, nous nous attaquerons au sujet des médias dans le mois qui vient avec pour première invitée Camille Cazanave qui est la cofondatrice de Qu'est-ce qu'on fait ? Un média alternatif qui nous explique les grands enjeux de notre époque à travers des infographies design et colorées. Camille viendra à nous présenter son projet, nous répondrons ensemble à la question de la place du beau dans la sensibilisation aux grandes problématiques de notre époque. Et avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine. C'est une nouvelle rubrique avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres pour mettre en avant les choses qui bougent, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Car oui, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens dans le monde, alors prenons quelques instants pour se partager les bonnes nouvelles et propager l'espoir. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais le 15 septembre dernier a eu le World Cleanup Day en France et partout dans le monde. Pendant une journée, plus de 200 000 personnes se sont réunies dans plus de 3 milieux différents partout dans le pays pour ramasser des déchets. Et oui, un nettoyage géant pour enlever de nos espaces naturels tous ces morceaux de plastique, de briques, de métal, enfin bref, tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Et les résultats sont impressionnants. Plus de 250 tonnes de déchets et environ 8 millions de mégots ramassés. Dans le monde, ce sont plus de 13 millions de personnes qui ont participé au nettoyage de notre planète. Et ça mérite un immense bravo. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et on accueille tout de suite notre invité du jour, Camille Cazanave, cofondatrice du média alternatif Qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour Camille. Bonjour Julien. Je suis hyper heureux de t'accueillir dans l'émission Ça commence par moi et je dois t'avouer même que j'ai découvert plein de choses grâce à vos infographies. Mais pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, est-ce que tu peux présenter Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un site d'information qu'on a lancé en 2015. 2015, comme tu le sais, c'est l'année de la COP21 et c'est le point de départ de notre projet. Donc, la COP21, pendant cette période-là, il y avait un traitement médiatique de sujets environnementaux très conséquent, une multitude d'informations à ce sujet, toutes plus alarmistes les unes que les autres et qui nous laissaient, avant que l'on crée ce média, assez pantois et insinuer en nous un sentiment d'impuissance assez profond. De quoi on parle ? Des documentaires où le monde est en train de s'effondrer d'appels de scientifiques où les chiffres se succèdent ? Exactement, ce genre de choses. Ouais. Les ours blancs sur la banquise qui font ce genre de sujets qui sont effectivement éminemment importants. Mais qui présentent tous le même inconvénient dans le traitement médiatique classique, c'est de ne pas apporter de solution. Donc on est dans du constat pur, mais une fois la lecture ou la consultation terminée, on reste un peu les bras ballants. qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et cette question revenait inlassablement entre nous, qu'est-ce qu'on fait. Et on en a fait un site d'information. Incroyable, une question est devenue un site d'information. Voilà, ouais, comme quoi... Bête, hein, les choses les plus simples. Tout à fait. Et donc ce site, pour construire ce site d'information, on s'est dit qu'effectivement, on allait donc essayer d'apporter des solutions à l'échelle individuelle. Ça, c'est une brique extrêmement importante, mais qu'en plus, on allait y apporter un traitement différent des médias classiques. D'où l'idée de construire des infographies, parce que ça permet un traitement très visuel et très pédagogique de fait, et parce qu'on pense que le point de départ de l'action, c'est avant tout la compréhension. Donc c'est pour ça que l'on construit des sujets qui ont effectivement, qui sont construits en deux volets. Un grand volet sur la compréhension qui s'appuie sur tout un travail journalistique de fond, des faits, mais des choses quand même simples à comprendre pour un lecteur qui n'est pas expert de ces sujets-là. Et ensuite, une partie, effectivement, avec un ensemble de solutions réalisables à l'échelle individuelle, plus ou moins engageantes, plus ou moins complexes à mettre en place au quotidien. Et pour donner quelques exemples, quels sont les sujets que vous avez traités dans vos infographies ? Alors, il y en a de toutes sortes. Ouais, les sujets, nos premiers sujets étaient assez précis. Ça a traité effectivement les œufs de poule qui, entre-temps, ont été extrêmement repris. Et maintenant, je pense que les gens sont sensibles à la question. Et pas mal d'enseignes aussi de la grande distribution ont franchi le pas et n'acceptent plus des œufs de poule élevés en cage. Mais à l'époque, il y avait quand même besoin d'expliquer à quoi correspondent les petits codes sur les œufs, quelles sont les conditions d'élevage. Enfin, ce sont des choses extrêmement concrètes. Donc ça, c'était, je pense, notre premier sujet qui a bien fonctionné. Et après, on en a d'autres beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges sur l'obsolescence programmée, effectivement l'industrie de la mode qui est la seconde industrie la plus polluante, où là, voilà, c'est vraiment des sujets de fond, ce sont des sujets plus longs aussi à lire sur notre site, mais on retrouve l'intégralité des informations dont on dispose aujourd'hui par rapport aux avis d'experts, aux rapports, etc. Je pense aussi au tourisme. Le tourisme, tout à fait. La qualité de l'eau. Oula, oui, la qualité de l'eau. La fameuse pâte à tartiner dont on ne peut pas prononcer le nom. Celle-là même. Au problème des mégots qui ont été ramassés effectivement pendant le clean-up day. Et après, pas que des sujets environnementaux, parce que l'idée, c'était de décrypter des sujets complexes. Donc, on a aussi des sujets de société. Donc, par exemple, comment expliquer ce qui se passe en ce moment avec les migrants. D'accord. Donc ça, c'est des sujets aussi plus sensibles. Puis d'autres sujets comme la cybersécurité, l'égalité homme-femme, voilà. Donc comme tu le dis, des sujets hyper complexes. Et comment vous faites pour être sûr que tous les chiffres que vous mettez en avant, et puis encore plus important sans doute, les solutions, elles soient vraiment viables ? Alors, c'est le fruit d'un long travail, comme tu t'en doutes. Donc c'est un travail de recherche approfondie. En gros, nous, on fait ce qu'un citoyen lambda ne peut pas faire, parce qu'il faut beaucoup de temps, c'est effectivement lire tous les rapports officiels qui existent sur les sujets. Donc il y a quand même pas mal de ressources aujourd'hui avec l'ONU, toutes les organisations, les ONG, etc. Souvent des rapports sont en anglais. Donc il faut effectivement digérer cette information, confronter ça. Et puis après, c'est du travail de journaliste, on interroge des experts. On confronte nos résultats effectivement à ce que eux ont comme connaissance sur le sujet et on vérifie comme ça à chaque fois que ça, si ça fonctionne, si c'est fiable. Et pour les solutions, on interroge des gens autour de nous pour savoir s'ils ont des idées. Ouais. C'est du bouche à oreille, c'est des recherches sur Internet. Et puis je vois quand même à chaque étude, à chaque infographie, des acteurs clés du milieu. Oui. Hein, ça sort pas de nulle part quand même, toutes vos idées. Et non, tu veux dire par exemple sur les partenariats. Oui, bien sûr. Alors ça, effectivement, c'est ce qui permet, c'est ce qui nous permet aussi de faire des sujets assez approfondis. C'est que on réalise pas mal de sujets donc en partenariat avec des associations ou des institutions publiques comme l'ADEME, WWF, Surfrider. Donc des acteurs qui disposent aussi de leurs propres ressources scientifiques. Donc nous, c'est super important pour nous parce qu'effectivement, il faut être très rigoureux dans l'information qu'on avance. Bien sûr, sinon on ouvre la porte à toute forme d'interprétation. Et voilà. Et effectivement, ce sont des acteurs crédibles, légitimes, je pense, sur ces sujets-là en particulier. Et on travaille ensemble parce qu'on a intérêt à faire porter aussi leur discours au plus grand nombre. Et souvent, on travaille ensemble parce que eux, l'ADEME par exemple, c'est une institution publique Ils ont des contenus, mais qui sont difficiles à appréhender comme ça. Chacun son métier. Hein. Voilà. Et donc on travaille ensemble pour porter ces sujets de manière, accessible. Plus accessible, plus visuelle. Ouais. Même peut-être plus sexy, je crois que j'ai envie d'utiliser ce mot. Parce que vos infographies sont clairement sexy. L'ADEME, mais c'est vrai. Et ce que je voulais aussi savoir, c'est, bon, vous avez ce site internet, il me semble que vous avez exploré pas mal d'autres possibilités. Dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a des annonces à nous faire, des pistes, des perches qui vont se tendre ? Probablement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une aventure sur plusieurs supports. On a commencé sur le web parce que forcément, c'est le format le plus simple de prime abord pour se lancer et effectivement communiquer auprès du plus grand nombre de personnes. Et l'année dernière, on a tenté un pari un peu fou de lancer une version papier. On a tenu un an. Je pense que tout le monde sait que la presse, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a un tas de titres qui sont lancés qui n'ont pas fonctionné non plus. Mais nous, on a fait ça pour toucher un public plus large que sur le web et pour aborder des sujets de manière encore plus approfondie. Mais fort du constat que cela ne fonctionne pas pour des raisons financières évidentes, on a décidé de se recentrer donc sur le web. Et donc, on a une refonte de site avec un site tout neuf sur lequel on retrouve effectivement les fameuses infographies qui sont un bon point d'entrée, mais aussi des articles plus écrits, plus littéraires, avec toujours quand même cette dimension qu'est-ce qu'on fait, des solutions que l'on retrouve. Et puis surtout, on a envie de faire plus de vidéos, des choses plus interactives, éventuellement des podcasts, pourquoi pas, et diversifier les formats pour essayer de toucher le plus de gens possible avec toutes les possibilités offertes par le web. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Merci Camille pour cette présentation. On va se faire nous une petite coupure musicale, mais spécificité de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est l'invité qui nous propose un titre qui est censé incarner, représenter en son les propos qu'on est en train nous d'échanger pendant cette émission. Et toi, tu as choisi de diffuser Everything Now d'Arcade Fire. Pourquoi cette chanson ? Alors, pourquoi cette chanson ? Parce que, à force de travailler sur ces fameux sujets environnementaux et sociétaux, on en revient quand même à ce constat que notre façon de consommer n'est pas la bonne et qu'on aurait tout intérêt à limiter notre boulimie pour les biens matériels et immatériels. Cette chanson parle de ça. Everything Now, ça veut dire qu'on veut tout de suite. Ouais, c'est ça. Et donc, lorsque le groupe a sorti cette chanson, ça a été accompagné aussi d'une promotion. À base de fake news, etc., pour justement dénoncer cette boulimie aussi, cette recherche de contenu absolu sur Internet, et dont on n'arrive plus à distinguer finalement quel est le vrai du faux. Et donc, c'est une chanson qui parle de tout ce qui est excessif finalement. Allez, ça y est, c'est parti, soyons boulimiques d'Arcade Fire, parce que ça, en tout cas, j'ai du mal à m'en passer. Every inch of sky has got a star. Every inch of skin. Et de retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes avec Camille Casana, cofondatrice du média alternatif Qu'est-ce qu'on fait ? On a devant nous une quinzaine de minutes et moi je voulais profiter de ta venue pour essayer de répondre à une grande question, une très grande question, comment le beau peut nous permettre de mieux faire comprendre les grands enjeux de notre époque. Tu l'as dit, jusqu'à longtemps, dérèglement climatique et toutes ces questions, c'était des documentaires qui font peur, des chiffres avec des chiffres et encore un peu de chiffres. Et ben, vous utilisez des couleurs vives, de jolis dessins pour faire passer des informations qui sont quand même primordiales pour la construction d'un monde meilleur, plutôt que toutes ces images angoissantes de catastrophes naturelles. Pourquoi ? Alors, donc c'est le parti pris de Qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours la même idée de s'adresser au plus grand nombre, donc pas uniquement des gens déjà experts sur ces sujets-là, convaincus, mais essayer de toucher des personnes qui justement commencent à se poser des questions mais n'ont pas encore amorcé de véritables changements dans leur vie. Et on s'est dit que, après on est très sensible à cette dimension créative personnellement, on s'est dit qu'effectivement utiliser un langage visuel différent serait quand même le meilleur moyen d'attirer l'œil et donc d'attirer des gens, parce que le beau donne envie. Mais il a une seconde vertu, le beau, c'est que nous, il nous permet effectivement de faciliter vraiment la compréhension, faire de la data visualisation, donc de faciliter la compréhension de données qui sont parfois un peu compliquées à digérer comme ça, par écrit seulement. Et en plus de ça, finalement, construire des infographies, ça nous force à une synthétisation extrême. Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre des tas de textes avec des dessins. Et donc, c'est un exercice aussi particulier, mais qui a toujours pour objectif, effectivement, d'appuyer l'aspect pédagogique des sujets. Donc, le beau pour faire passer des informations complexes à un public qui n'est pas forcément sensibilisé, de les regrouper, d'avoir un fil conducteur. Oui. Mais ce n'est pas qu'une intuition. Hein. Il me semble que ça a été prouvé. Il y a une étude qui est sortie là-dessus et sur laquelle vous avez travaillé, c'est pour ça que je te dis ça. C'est la perche que je te tends, mais qu'en fait, le beau, ça a non seulement la vertu de faire passer des informations, mais en plus de faire passer à l'action. Alors, effectivement, c'est la grande question de quel langage visuel adopter pour avoir un impact sur les sujets environnementaux en particulier. Effectivement, l'année dernière, donc on a monté une étude avec BVA, avec l'ADEME, avec Place2Be, sur ce sujet-là en particulier. Donc on a confronté, c'est une véritable étude, donc il y a un échantillon de personnes qui sont exposées à un certain nombre de visuels et on recueille leurs réactions, quelles émotions ils ressentent à la vue d'un cliché plus classique, on va dire, sur ces sujets, une catastrophe, par exemple, du pétrole partout sur une plage, à des visuels plus abstraits ou parfois, moins directs. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est que les visuels chocs fonctionnent pour effectivement créer une réaction, mais ce n'est pas suffisant pour passer à l'action. Donc effectivement, ce qui ressort malgré tout, c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est dans le ton aussi, c'est pour des gens qui ne sont pas a priori convaincus ou experts, c'est de trouver un biais dans leur quotidien, de montrer dans le langage visuel quels sont les moyens d'action aussi qu'ils ont à disposition, mais de ne certainement pas être dans un langage culpabilisant, catastrophiste, etc. Parce que ça fonctionne pour créer l'étincelle, mais on passe à autre chose parce que immédiatement, je pense qu'on se sent un peu écrasé par le poids de ces problèmes-là, c'est légitime. Et on ne voit pas effectivement dans quelle mesure on peut, nous, être acteurs d'un changement sur ces sujets-là. Donc le beau nous aide à faire ça, nous. On s'est longtemps posé la question, effectivement, de est-ce que un langage illustratif fonctionne mieux que des photos, tout simplement, même si on n'utilise pas des photos catastrophistes. Donc on a essayé, on a fait des combinaisons aussi avec, en intégrant de la photo malgré tout, parce qu'on a besoin de s'identifier à des choses réelles. Et donc on fait des tests et nous-mêmes on est sans cesse en train de réfléchir, meilleur moyen finalement d'adopter ce langage-là. Mais cette recette dont tu parles, elle marche pas pour tout le monde. Non. Il y a des personnes qui ont pas besoin de beau, qui ont besoin même au contraire qu'on les choque, qu'on les agresse presque dans les informations pour nourrir le moteur d'action. Et oui, tu sais, bizarrement, ce qui ressortait de l'étude, c'est que les personnes les plus attirées par les visuels chocs sont des personnes qui sont déjà extrêmement engagées sur ces causes-là. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que ces personnes-là sont tellement révoltées et sont déjà tellement au fait de ces sujets-là qu'ils sont attirés par ces visuels en se disant que ces visuels vont convaincre le reste des citoyens et des individus, en fait. Donc c'est plutôt ça qui est ressorti, en tout cas, de l'étude. Mmh. Donc du coup, c'est à la fois un moteur pour eux, mais un piège aussi, parce que exactement, ça va leur donner envie de montrer les mêmes images à ceux qui ne sont pas sensibilisés ou qui ne sont pas acteurs. Et donc du coup, là, il y a ces fameux murs ou plafonds invisibles qui se créent et qui fait qu'on n'arrive pas encore à faire pencher les masses de notre côté, c'est ça ? Exactement. Mais après, c'est... pour élargir, effectivement, le langage visuel, c'est important. C'est un excellent levier pour essayer d'attirer un maximum de gens, de leur donner envie de lire ces sujets un peu anxiogènes ou clivants. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça doit s'accompagner quand même, toujours une fois, d'une qualité d'information, d'un ton spécifique, non culpabilisant, d'un champ lexical qui soit adapté aussi, parce qu'il y a beaucoup de jargon sur ces sujets qu'il faut éliminer d'office. Et en fait, c'est la combinaison des deux, moi, je pense, qui fonctionne. Et à la fois, tu fais la remarque qui me semble très juste, quand on lit une infographie de Qu'est-ce qu'on fait, c'est de l'information, c'est de la responsabilisation. On dit aux gens, regardez, voici les faits. C'est pas regardez, c'est de votre faute et vous êtes des moins que rien. Et en plus, vous en faites pas assez, mais c'est regardez concrètement, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et c'est comme ça. C'est ça un peu le... Nous, c'était notre parti pris, c'est qu'effectivement, le fait de s'appuyer sur des faits, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en principe, ce n'est pas un jugement de valeur de notre part. Et de toute façon, on s'appuie nous là-dessus parce que nous-mêmes, lorsqu'on a commencé en 2015, on était juste curieux. On voulait juste avoir des informations pour comprendre. On n'était pas dans, effectivement, déjà, on n'était certainement pas dans un discours militant ni d'engagement. C'est vraiment ce point de vue-là qu'on tient à défendre. Bien sûr, maintenant, on est de plus en plus renseignés. Donc, plus on en sait et plus on a envie de secouer les gens et de leur dire « Allez, bougez-vous », etc. Mais il ne faut pas tomber dans ce travers-là parce que ça crée des crispations chez des gens qui ne sont pas forcément convaincus de prime abord. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur des faits, pour effectivement garder aussi un langage non culpabilisant, non clivant. Finalement, ces infographies, vous les avez presque autant faites pour les autres que pour vous-même. Mais totalement, mais tout à fait. Le point de départ, c'était ça. Hein. Ouais. C'est qu'effectivement, on s'est dit que on était un peu frustrés parce qu'on lit des articles qui sont un peu courts, un peu tristes, et on se disait oui, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, quel est le point de départ de ce problème-là ? Après, on est un groupe qui se pose beaucoup de questions, peut-être casse-pieds, mais effectivement, on ne trouvait pas d'articles qui réunissaient l'intégralité des informations sur ces sujets-là. Donc, on s'est dit, nous, on va faire effectivement des sujets un peu costauds. Mais pour que ces sujets costauds passent auprès des lecteurs, il faut trouver le bon moyen. D'où l'usage du beau, l'usage de la forme et du design. Et le fameux qu'est-ce qu'on fait, qui me semble aussi primordial, parce que c'est toujours pareil. C'est souvent le cas. On lit un article qui nous pique au vif et qui nous fait nous dire mais c'est pas possible. Et j'ai envie de faire quelque chose. Et puis ensuite, on nous laisse là. Ou ensuite, on a deux phrases vers, telle décision politique, telle action associative, et puis basta. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est justement cette fameuse question qui revenait. Du concret. Du concret, et du concret pour effectivement, alors on peut se dire que c'est vain, que l'action individuelle n'aura pas forcément un impact suffisant, mais nous on pense quand même que c'est important pour soi, en fait, effectivement, sûr, de réaliser des choses à son échelle. Donc c'est pour ça que dans les solutions qu'on propose, c'est plus ou moins complexe à mettre en place, plus ou moins engageant. Il y a différents niveaux pour que tout le monde s'y retrouve. On ne peut pas commencer tout de suite par organiser des collectes de déchets ou ce genre de choses, ou s'attaquer aux grands de ce monde. Mais effectivement, faire un petit pas, pour la planète, certes, mais pour soi, pour les autres, pour se sentir responsable d'une cause commune, pour quand on commence à s'intéresser à ces sujets, on se rend compte que d'autres gens s'y intéressent aussi, pour créer du lien ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui nous paraissent importantes pour... l'écologie humaine également et spirituelle. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça commence par moi, c'est exactement la même famille. Eh oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'imagine que vous avez plein de retours. on a pas mal de retours, plutôt positifs, avec des gens qui sont contents quand même de cet angle qui est adopté, qui nous propose des solutions aussi, qui effectivement retrouve pas mal d'informations chez nous. Et comme je te le disais précédemment, c'est vrai que c'est un bon support pédagogique. Pas mal de profs nous écrivent ou nous consultent pour justement diffuser nos infographies auprès de leurs élèves, parce que ça, voilà, c'est un bon, déjà un bon premier pas pour comprendre et pour agir ensuite. Moi, à l'époque où j'étais dans la première année de Ça commence par moi, j'étais aussi coordinateur de 25 jeunes en service civique. Et bien, toutes les deux semaines, je leur envoyais un petit récap de tout ce qu'on avait dit, de tout ce qu'on avait vu. Et en plus, je leur faisais souvent glisser une petite infographie. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est sympa. Ouais. Et ça leur donnait à chaque fois envie de s'y mettre. Ok. Ouais. Donc ça marche. Et en plus, ça marche aussi parce que c'est consultable sur le téléphone. Oui, tout à fait. Ah oui, on a fait du responsive, attention. Ouais. On est moderne. On est carrément moderne. Oui. Tu nous dis, pour le mot de la fin, quelles sont les infographies ? Je ne sais pas si vous avez déjà des infographies dans les tubes, là. Alors, oui, des infographies passionnantes sur le poids carbone des objets. Ouais. Alors, attention, immersion. Non, effectivement, le poids carbone, ça ne veut rien dire. Comment dire ? C'est extrêmement abstrait, comme ça, je pense. Ouais. Eh bien, vous allez tout savoir, effectivement. De combien émet de CO2 la production d'un téléphone, par exemple, d'une voiture ? Et donc, quelle est l'histoire derrière nos objets ? Oui, bien sûr. Leur poids carbone, etc. Y en a une qui vient de sortir sur la mobilité. Donc, effectivement, les transports, tout savoir des transports et les solutions à venir. Et il y a un peu de prospective comme ça. Une autre infographie sur les couches culottes. C'est un duel entre les couches culottes lavables et les couches culottes jetables. Ma mère, qui est nounou, avait fait le calcul absolument hallucinant du nombre de centaines de milliers de couches qu'elle avait utilisées toute sa vie. Et oui, voilà, mais c'est tout le débat. Quelle est la meilleure solution ? Est-ce que laver, finalement, c'est bien parce qu'on utilise de l'eau ? Bien sûr. Voilà. Nous, on fait les calculs et puis vous aurez la réponse très bientôt. Je termine en te posant une question complètement piège. Toi qui es dans le milieu, est-ce que tu as d'autres médias alternatifs qui, selon toi, complètent parfaitement la démarche Qu'est-ce qu'on fait et qui permettent justement aux gens qui ont envie d'agir et de se mettre en mouvement, d'accélérer leur transition ? Alors, il y en a tout un tas. Oui, allez, ne faisons pas une liste à la Prévert, mais deux, trois comme ça qui viennent. Ça commence par moi. D'accord. Un excellent livre que je conseille. Après, il y a tous les Oui Demain, il y a... Nous, on aime beaucoup les gens de la Fondation Good Planet, qui ont une super newsletter. Enfin, il y a tout un tas de ressources qui ne seront pas extrêmement inconnues, je pense, de ton public. Tu vas en tête. Non, c'est bien. Ça s'arrêtera là. Je te remercie, Camille, pour ta participation. Et le dernier mot, c'est où est-ce qu'on peut retrouver le travail de Qu'est-ce qu'on fait ? En ligne sur notre superbe nouveau site, encore plus complet qu'avant, qui s'appelle www.qqf.fr. Merci. Et voici la fin de cette première de la saison 2 de Ça commence par moi, l'émission. Ça se termine. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, d'avoir pu vous donner l'opportunité de découvrir d'autres moyens d'accéder à une information de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à creuser ce sujet passionnant avec Florent Guignard qui viendra nous parler du dranche. Merci à Rage pour son soutien indéfectible. Merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible. Je pense notamment à Lambert, Raph et Roman à la technique qui sont ici. Salut les copains. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur rage.fr ou sur iTunes pour découvrir le podcast. Continuons ensemble à construire un monde meilleur. Continuons à être heureux et moi je vous dis à très vite. Salut. Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.